les nids de vipères, aux moindres couleuvres, passer les frontières, les sourcils retroussés, les moindres misères, au plaisir partagé. Mais seul, comme une vie à part.